Regarde un peu tout, regarde un peu tout ça. Regarde un peu, restons-en là. Tu vois, il n'y a rien de bon dans ce futur infâme. Il n'y a que de cons plantés là. On n'a pas su grandir, on n'a fait que subir. On n'a pas su leur dire, on n'a pas pu. Mais que feront-ils de nous dans cette géographie? Mais que feront-ils? Harcelés constamment par les hommes au boulot, au foyer, dans la rue, c'est normal que on les fasse payer pour tout le temps du rêve.